Je vais essayer de partir sur le 1. Merci beaucoup, il est l'heure d'aller faire dodo, c'est trop cool. tout bientôt.